la perfection dans chaque détail. Dell vous présente le nouveau PC portable ultra fin XPS 13 avec Windows 10 Pro, un écran Infinity Edge et une finition parfaite. Découvrez le nouveau Dell XPS 13 par vous-même, à la Fnac et sur Dell.fr. Dell recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Nous étions en 1978. Pour les lundis de l'histoire, Denis Richet avait réuni plusieurs invités à l'occasion du 14e Festival international de la critique historique du film, organisé à Perpignan par les Amis du cinéma de Perpignan et par la Cinémathèque de Toulouse. Comment le cinéma, les cinémas, avaient-ils raconté la guerre d'Espagne, en direct et plus tard, a posteriori? Comment l'histoire était-elle montrée à travers la réalité, les faits bruts, mais aussi à travers les mythes, les légendes, les manipulations possibles de l'image? Les lundis de l'histoire par Denis Richet, première diffusion sur France Culture le 24 avril 1978. Porque prefiero la guerra, guerra, a tenerla todos los días, días, con mi mujer y mi suegra. Ay, caray, caray, caray, qué bonita será. Les auditeurs des lundis de l'histoire sont, comme Jacques Le Goff et moi-même, des spectateurs fervents. Le film, vu au cinéma ou reçu devant un poste de télévision, appartient à notre univers culturel autant et plus peut-être que ces médiations que l'on appelle aujourd'hui dans un certain jargon les médias. Cinéma et histoire. Comment ne pas revenir sur ce thème puisqu'il pose à chacun d'entre nous un double problème. Le cinéma est-il un véhicule aussi sûr de la connaissance historique que le livre? Ajoute-t-il cet élément de poésie, c'est-à-dire de création, sans lequel il ne peut y avoir de véritable histoire? Mais aussi, et c'est une deuxième interrogation, que peut apprendre le film à l'historien et au lecteur de ses livres? Au plan de la documentation, bien sûr, lorsqu'il s'agit d'une histoire contemporaine, mais plus encore, au plan de la vision globale du passé, des passions qui l'ont traversé, des séquelles que chacun d'entre nous porte dans sa sensibilité et qui le font vibrer parfois plus fortement que la lecture. Pour cette rencontre, un lieu privilégié, Perpignan, d'où je vous parle ce matin, et où s'est tenue du 1er au 8 avril la 14e Confrontation, Festival international de la critique historique du film, qu'organisent chaque printemps les animateurs de la Cinémathèque de Toulouse et les Amis du cinéma de Perpignan. Cette année, un thème, la guerre d'Espagne, mais avant de nous y plonger, permettez-moi de donner la parole à ceux qui sont à l'origine de ces confrontations. Autour de moi, j'ai Marcel Homs, animateur des Amis du cinéma de Perpignan et directeur des cahiers de la Cinémathèque, Pierre Guibert, qui est le secrétaire de la rédaction de ces cahiers, et André Abbet, responsable de la documentation et des archives. Marcel Homs, pourquoi ce titre, critique historique du film? Parler de la critique historique du film, c'est parler un peu de la genèse et de la revue et du festival. C'est-à-dire qu'en 1964 et en 1965, dans le cadre des CICI, c'est-à-dire des congrès indépendants du cinéma international organisés à Lausanne et à Lyon par nos amis Bernard Charder et Freddy Buach de la Cinémathèque de Lausanne, nous étions posé le problème de la vanité ou de la frivolité de la critique. Et l'expression de critique historique en matière de cinéma, dont Raymond Borde m'attribue parfois la paternité, était en réalité plutôt une expression de Raymond Borde. Raymond Borde, puisqu'il n'est pas autour de notre micro, j'emprunterai à ses écrits sa tentative de définition de la critique historique, était parti d'une sorte de constat. La critique de cinéma, aujourd'hui, en France, est caractérisée par trois défauts. Elle est envahissante, elle est aliénée et elle est uniforme. Mais vous n'êtes pas tendre. Je ne suis pas tendre, mais en même temps, c'est pas moi, c'est Raymond Borde, mais il faudrait se demander si ce qui était dit en 64 n'est pas toujours vrai ou aggravé en 78. Envahissante, ça veut dire qu'on écrit plus autour du film qu'on écrit sur le film. On accorde un excès d'importance à l'écrit plus qu'à l'image. Ce qui fait que c'est une critique de littéraire à propos de cinéma, mais ce n'est pas une critique strictement de cinéma. Aliénée, parce qu'elle se subordonne trop au discours filmique, et que souvent même le critique cherche à placer ses scénarios ou ses relations plutôt qu'à plaire ou déplaire strictement par rapport à l'œuvre elle-même. Et uniforme, alors là c'est encore pire, je veux dire aujourd'hui vous prenez le panorama, l'éventail de toutes les revues de cinéma en France, c'est le même discours sur les mêmes films, qu'il s'agisse de revues de droite comme de revues de gauche, et finalement c'est à partir du pressbook fourni généralement par la maison de distribution à l'occasion d'un cocktail qu'on a donné le schéma à partir duquel la critique va fonctionner. Donc, oui, mais alors pour pallier ces défauts, justement vous substituez une autre vision qui est une vision qui nous intéresse, nous autres historiens. J'espère, parce que si le cinéma doit être confronté à l'histoire, espérons aussi que la vanité de la critique ne supportera pas le recul historique. André Abbaye. Et je crois justement que le travail qui se fait à Perpignan est centré sur cela, puisque dès le départ, confrontation, qui est quand même la manifestation à partir de laquelle se fait ce travail, ne s'appuie plus sur une analyse de film par film, coupé les uns des autres d'un thème ou pris individuellement, mais davantage sur un thème que l'on essaie d'illustrer par des films. Partiellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec André, simplement sur cette notion de ne s'appuie pas sur film par film. Je veux dire par là que la critique historique, qui était aussi une prise à contre-pied de la politique des auteurs, préconisée à l'époque par les cahiers du cinéma, s'appuie plutôt sur une politique des films. C'est-à-dire, donc, analysons d'abord le film en tant que tel, avant de nous occuper si c'est M. Fritz Lang, M. François Truffaut ou M. Tartampion qui l'a signé. Mais ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec André sur le contexte. Un film rattaché à un thème. Je veux dire par là que ce qui est privilégié, c'est la lecture du film par rapport à un thème. C'est-à-dire le film n'est pas une œuvre en soi. Un film a été fait à une époque donnée, par un réalisateur donné qui est porteur d'une culture, qui se rattache à une histoire. Et lorsque ce film, en plus, est rattaché à un thème, cela crée autour de cette œuvre une analyse beaucoup plus resserrée que celle qui peut être faite à la sortie d'un cinéma. Oui, c'est-à-dire que l'épithète historique, au fond, a deux significations pour vous. L'une qui est l'histoire du cinéma lui-même et du film lui-même, et l'autre qui est le contenu d'une période historique ou d'un événement ou d'un groupe d'événements que révèle un ensemble de films. Pierre Guibert. Oui, André Abbé vient de parler de cette mise en situation particulière du film dans le cadre d'un festival comme Confrontation. Et je crois qu'ici, il faudrait ajouter que le film programmé dans le cadre d'un festival se trouve en présence d'un public aujourd'hui. Et c'est encore une autre dimension de l'histoire. Oui, dimension sur laquelle nous reviendrons d'ailleurs dans la dernière séquence de cette émission. Marcel Hobbes. En ce qui concerne le problème justement de la notion d'histoire dans la critique, c'est-à-dire que nous voudrions essayer de rompre avec une critique qui ne serait sanctionnée que par les cocktails ou les réceptions dans les salons parisiens. Nous faisons plus confiance, disons, à l'histoire qu'au whisky et aux glaçons dans le verre. Vous voyez ? Alors, par contre, les critères sur lesquels nous voudrions nous appuyer pour essayer de définir une critique historique, c'est une sorte d'indifférence totale à l'égard de la signature du film. Ce serait bien de pouvoir même projeter un film en enlevant le générique, parfois. Ou alors une confrontation perpétuelle entre le cinéma ancien et le cinéma moderne, ne serait-ce que pour montrer que des thèmes que l'on croit neufs ont déjà été traités, et par conséquent qu'il n'y a pas forcément de qualité dans l'originalité à tout prix. Ensuite, l'analyse de contenu qui l'emporterait sur l'analyse de forme, pour nous, et la politique des films dont je parlais tout à l'heure. Depuis quand avez-vous organisé ces confrontations ? En 1965, c'est-à-dire donc le lendemain pratiquement de la communication de Raymond Borde au Sissi sur la critique historique. Et alors depuis, les thèmes que vous avez abordés les années précédentes ne sont pas forcément empruntés à l'histoire contemporaine, comme c'est le cas cette année avec la guerre d'Espagne. Vous avez choisi quel thème, Pierre Guibert, dans les années précédentes? Alors dans les années précédentes, nous avons oscillé, je crois, entre deux parties. Quelquefois, nous avons essayé de décrire un moment particulier de l'histoire d'un cinéma national. Ce fut le cas pour la nouvelle vague du cinéma français. Ce fut le cas pour l'Italie 20 ans après. L'Espagne derrière l'écran. Oui, c'est en 1964. C'est cela. Le Moyen-Âge au cinéma, où l'on a les représentations actuelles d'une époque à travers médiatisée par l'image. L'étude d'un genre n'est pas non plus exclue, puisque nous avons fait l'histoire des États-Unis vue à travers le western, le film policier reflet de société. Je crois que l'éventail de nos recherches est assez large pour qu'on ne soit pas prisonnier uniquement d'une seule direction dans nos séances. Oui, alors, je pense que Jacques Le Goff, s'il est à l'écoute, a dû sursauter en se disant qu'on avait fait un festival sur le Moyen-Âge. Parce que, voilà, le problème que pose la critique historique et la structure même de notre festival, c'est que, d'une part, quand on étudie un événement, bon, par exemple, on a déjà étudié une année la guerre de 14-18. La guerre de 14-18 a été d'abord filmée par des opérateurs d'actualité, puis la fiction est entrée dans cette représentation de la guerre, et puis elle fonctionne aujourd'hui comme une sorte d'image obsédante ou bien un lieu du souvenir, de la mémoire. Par contre, en ce qui concerne le Moyen-Âge, il n'y avait pas moyen d'avoir des documents d'époque filmés. Et on s'est aperçu que le Moyen-Âge constituait donc, par exemple, en termes de cinéma, une sorte de lieu fantasmatique total. Les Américains, à travers la bande dessinée comme Prince Valiant, projettent donc dans le Moyen-Âge une sorte de vision de leur propre histoire ou de leur préhistoire, totalement à travers des structures contemporaines. C'est intéressant à confronter. Je voudrais revenir sur un point, Marcel Homme, vous disiez qu'au fond la signature du film, à la limite, était peu intéressante. Il me semble quand même, si vous voulez, qu'il faut resituer l'auteur lui-même dans son contexte historique et dans son évolution. Attention, peu intéressante ne veut pas dire inintéressante. Je veux dire que par rapport à une attitude donnée, une réaction est d'abord forcément excessive. Quand je disais, moi qui vénère par certains côtés Louis Buñuel ou Ingmar Bergman, que la signature importe peu, je veux dire par là qu'il y a deux dimensions dans l'œuvre. Ou bien l'auteur est un véritable auteur. Et alors il est intéressant de savoir comment il fonctionne à travers un système de production donné. Par exemple, comment John Ford est toujours John Ford, qu'il fasse un western pour la Fox, un grand film de reconstitution historique pour RKO, mais c'est toujours du John Ford. Mais en même temps, c'est aussi la structure de production de la maison, proprement dite, qui s'impose à John Ford. Comment le grand auteur réussit-il à contourner le système de production? C'est intéressant. Mais ça, c'est hollywoodien. Par exemple, en Europe, c'est plus facile d'être un auteur de film. Oui, mais il n'y a pas que Hollywood. J'étais frappé, moi, en assistant à la projection ici même du film de Roman Carmen sur Granada. Bon, on ne peut pas comprendre ce film si on ne replace pas l'auteur qui est venu en 1936 filmer une première fois, enfin les événements d'Espagne, qui revient 20 ou 30 ans après sur ces événements. On ne peut pas faire fi de ce qui s'est passé en Union soviétique, pays dans lequel il vit, de la Deuxième Guerre mondiale qu'il a lui aussi filmé. Ben, disons donc, peut-être que la critique historique a passé sa crise d'acné juvénile et que sa maladie infantile, qui était de prendre à tout prix le contre-pied de la politique des auteurs, est en train de passer et que nous arriverons peut-être à intégrer de nouvelles méthodes de lecture. Pierre Guibert. Il y a aussi que ce festival s'attache, à côté des grandes œuvres reconnues, à projeter des films que l'on dit quelquefois de série B. Et on pourrait soutenir... Qu'est-ce que vous appelez des films de série B? Des films de série B, eh bien des films, disons, qui sont produits dans le système, quelquefois après une étude de marché, en tout cas un accord complet avec la sensibilité dominante d'un public. Présumé. D'un public présumé. Et qui s'appuie souvent sur un succès qui lui, a bien marché. Et ce qui est intéressant, justement, dans un film de série B, c'est de voir comment le public, ayant réagi à partir d'un film pour lequel ils ont eu les moyens avec un auteur, la série B permet, elle, d'utiliser les structures mentales des spectateurs pour remplir les salles. Et ça, la critique historique doit se pencher sur ce problème, parce que c'est fondamental. Oui, et je crois que dans le sens de ce que tu dis, on pourrait soutenir volontiers qu'un film de série B, tel que tu viens de le définir, est peut-être plus significatif, du moins d'un point de vue quantitatif, qu'un film d'auteur qui, par définition, transgresse les grandes lois d'un genre. Ben là, vous retrouvez absolument les préoccupations qui sont celles de l'école historique d'aujourd'hui, où on tend à privilégier l'anonyme et le massif par rapport au sommet de l'histoire des idées ou de l'histoire littéraire traditionnelle. Oui, mais précisément, vous évoquiez tout à l'heure cette question de la poétique du cinéma, quelle est sa part de poésie, mais moi je voudrais aussi parler de sa poétique en tant que dialectique créatrice. Le phénomène dont vient de parler Pierre Guibert est intéressant parce qu'à partir du modèle donné, qui est le succès, vont fonctionner un certain nombre de sous-produits qui souvent seront vus par plus de gens et donc qui sont plus révélateurs de l'étude des mentalités. Il est évident que la critique historique doit intégrer dans son approche du fait filmique l'histoire des mentalités. Et ça effectivement, non seulement ça procède de l'école contemporaine, mais des amis très personnels comme Emmanuel Leroy-Ladurie confirmeraient que nous avons travaillé souvent dans C'est aussi un ami des lundis d'histoire. Je nous avais inspiré un des textes théoriques que nous considérons comme assez... C'est important, en tout cas, comme élément de référence. C'était le parachutiste et le truffier. Leroy Ladurie a tendance à rappeler qu'il y a deux méthodes historiques. Il y a le ratissage de terrain, c'est un peu le travail sur les films de série B. Et puis, il y a le truffier qui, lui, va creuser dans le fond. Eh bien, nous essayons d'appliquer cette méthode de l'école historique française à une approche du fait filmique. Eh bien, nous allons voir maintenant, avec la guerre d'Espagne, avec cette 15e confrontation... comment on réussit à traduire dans les faits les idées que vous venez d'exprimer. No pasarán, decían los marxistas. No pasarán, gritaban por las calles. No pasarán, se oía todas horas por plazas y plazuelas con voces miserables. No pasarán. Y estamos en la cava, y hemos pasado con alma y corazón, y hemos pasado y estamos esperando para ver caer la bola de la gobernación. Y hemos pasado. Cette 14e confrontation organisée à Perpignan autour de la notion de critique historique du film, je voudrais retenir d'abord ce qui m'a le plus appris, parfois même surpris. Comment ont été engrangés, où ont été engrangés, les matériaux qui ont pu servir à ce festival, comment ce même matériau a pu servir à des montages inspirés de visions idéologiques et politiques différentes, voire opposées. C'est à Marcel Homs, bien sûr, mais aussi à Ricardo Muñoz Suárez, président espagnol de cette confrontation, à Roman Gubern de l'Université de Barcelone et à Jaime Camino, réalisateur des Longues Vacances de 1936, film publié, je crois, écrit vers 1976, et c'est à eux que je m'adresse maintenant. Mais d'abord, Marcel Homs, pour réaliser ce thème, de quelles sources documentaires disposiez-vous ? D'abord de travaux écrits, c'est-à-dire nous savions qu'est-ce qui avait été tourné et nous avions là en plus une matière idéale pour notre propos, à savoir une guerre qui a été filmée dès le premier jour, filmée jusqu'au dernier jour, qui s'est transformée progressivement en une vision romanesque et fictive en cours d'opération. Et donc nous savions qu'il y avait d'une part des documents tournés dans tous les camps, de la part des intervenants allemands, italiens, les brigades internationales, et que nous avions aussi la possibilité, grâce à cette guerre et à ce programme de festival, de démontrer la possibilité d'une collaboration internationale de toutes les cinémathèques du monde. Ça, c'est très intéressant. Mais quels ont été, si j'ose dire, les fonds principaux, nous appelons dans le jargon d'historien les fonds d'archives? Bon, le fonds principal, c'est évidemment celui de la Filmoteca Nacional de Madrid, sans laquelle rien n'aurait pu être fait. Il était évident que... Est-ce que c'était disponible? C'était toujours disponible, mais pendant une certaine période, disons, jusqu'à la nouvelle direction de la Filmoteca par Florentino Soria, quand on demandait un film, ou bien il était perdu, ou bien il n'y avait que le négatif, ou bien il avait flambé. Et puis, mystérieusement, à partir de l'année dernière... Je dirais pas avec la nouvelle direction, parce que c'est la même direction que dans l'époque de Franquisme. Oui. C'est grâce à la mort de Franco qui a changé la filmothèque. L'orientation c'est la mort de Franco, c'est pas Soria. No, c'est la pression, no, de l'historique qui nous avait permis l'ouverture de la filmothèque. Et maintenant, je crois qu'il a encore été fermé. Je crois quand même que Florentino Soria n'est pas Carlos Fernández Cuenca. Oui, mais en tout cas, c'est un ancien militant. Non, c'est pas dans la personnalisation du débat. Mais en tout cas, c'est quoi, ça a transformé un peu, pas trop, grâce à la mort de Franco oui, et à la nouvelle situation. Non oui, je voudrais ajouter qu'en ce qui concerne la Filmothèque d'Espagne, une grande partie des documents de la guerre civile ont brûlé en 1945. Il y a un très étrange épisode. Je connais bien l'histoire. Tu peux raconter l'histoire. Oui, c'est l'histoire, c'est qu'à un moment, quand on arrivait en 1945, c'est le moment de finir la guerre mondiale. Les services d'espionnage, les services allemands et les services espagnols, etc., ont brûlé le laboratoire avec tous les négatifs qui sont tournés à l'époque de la République et après de la République. Par exemple, tous les voyages de Himmler à Madrid, etc., sont brûlés au laboratoire à Madrid. Et même il y a arrivé la mort de deux ou trois employés de laboratoire. Mais c'est les services de Franco, les services allemands, italiens, etc. Oui, parce que... C'est pas si les mêmes services de la puissance démocratique. Non, parce que la version officielle, c'est qu'il y a eu un incendie dans le laboratoire Riera, où les films de la guerre civile étaient déposés. On n'a jamais expliqué la cause officielle réelle. On a dit que c'était un incendie qui éclatait comme ça. Un accident, c'est ça. Même on n'a pas identifié la cause dernière de cet accident. On a même dit que c'était un court-circuit ou une chose comme ça. Mais enfin, néanmoins, vous avez conservé quand même. On estime qu'on a conservé une troisième partie de ce qui était gardé. Mais c'est vrai, Ricardo a raison, que la destruction était assez sélective. Oui. Par exemple, les documents concernant les bombardements des fascistes sur les villes, sur Barcelone, Madrid, etc., ça n'existait plus. Ça, ça a été brûlé. Oui. Alors, il y a eu comme un incendie un peu sélectif. Oui. L'entrée des troupes allemandes dans le nord de l'Espagne, non, à cause de l'incendie de Santander, qui a entré l'armée, et l'armée a défilé l'armée allemande nazie à Madrid avec Himmler, et a disparu complètement. Oui. Alors, si vous pensez que le laboratoire de cinéma est un endroit avec de grandes sécurités physiques pour protéger les négatifs, etc., ça c'est vraiment une histoire un peu bizarre, non? Mais la version officielle, c'est toujours celle-ci. Mais en dehors des archives de Madrid, il y a eu des archives espagnoles qui ont été, du côté républicain, transférées en France dès l'époque même de la fin de la guerre civile. Non, dans le sens organisé, non. Je crois que là, il y a plusieurs versions qui s'affronteront et qui ne se vérifieront que plus tard. Moi, j'ai des informations me disant que des camions des films de la Généralité de Catalogne ont franchi la frontière au Pertus, qu'on n'a jamais retrouvé les films qui auraient pu être stockés à un moment donné dans la région du sud-ouest aux environs de Toulouse. Et là, je tiens à dire que ce n'est pas à la Cinémathèque de Toulouse, hélas. Et qu'ils se seraient retrouvés dans des fonds d'universités américaines. Vous parliez de la Cinémathèque de Toulouse, Marcel Homs. C'est un fonds particulièrement riche. Je crois que c'est un des fonds les plus importants en France. En tout cas, la Cinémathèque de Toulouse est la seule cinémathèque française à être affiliée à la Fédération internationale des archives du film, où n'est pas et où n'était pas la Cinémathèque, par exemple, française d'Henri Langlois. Mais d'après le programme de ce festival, en dehors donc des archives espagnoles et françaises, vous avez également eu accès à d'autres fonds, je pense notamment à des fonds italiens que la résistance italienne avait pris à l'issue de la chute de Mussolini. Parce que, par exemple, le problème des cinémathèques qu'on finira bien par poser un jour, c'est que devant une certaine conception des cinémathèques, qui pendant très longtemps était une conception très passionnelle, où des dragons veillaient sur des trésors qui lui appartenaient quasi personnellement, avec une sorte de récupération quasi divine. Dans d'autres pays, au contraire, la notion de service public et de service d'État a prévalu très vite. Et ce n'est pas un problème strictement politique. Je veux dire par là, les deux meilleures archives cinématographiques du monde sont incontestablement le Gosfilmophone de Moscou et le Reichsfilmarchiv d'Hitler. Pourquoi ? Parce que Goebbels était un passionné de cinéma et que pour lui, sauver une pellicule, c'était plus important que sauver 10 vies de juifs. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais historiquement c'est vrai, il faut bien le regarder en face. Alors par exemple, en Italie, où là aussi le régime fasciste n'avait pas pensé, lui, à préserver les documents, parce qu'il n'y avait pas de cinéphiles fascistes, peut-être. Il y a eu, par contre, des initiatives privées, et l'Archive nationale de la résistance à Turin a préservé énormément de choses, ou bien alors l'Istituto Luce, qui est l'organisme officiel, qui a gardé les documents italiens qu'on a pu voir, par exemple, à Confrontation, ou qui ont été utilisés dans d'autres films de montage. Alors, très concrètement, quel problème avez-vous à résoudre? Enfin, non seulement le problème de stockage, vous venez d'en parler, mais le problème de transmission internationale qui aboutit à une manifestation. C'est justement ce problème que j'essayais de suggérer en disant tout à l'heure que ce qui compte, ce n'est pas tant d'avoir que des trésors sur lesquels on veille, ce n'est pas de régner par le secret, mais au contraire, dans la recherche historique, de se communiquer les documents qui pourront faire avancer la recherche. Et par conséquent, le fait pour la Cinémathèque de Toulouse de faire partie de la Fédération internationale des archives du film fait qu'il n'est pas nécessaire de posséder dans ses blocos un film pour pouvoir le montrer dans une manifestation privée. Donc, ce qui s'est passé à Confrontation, c'est que toutes les cinémathèques du monde contactées par la Cinémathèque de Toulouse ont fait savoir sur le thème donné de quoi elle disposait. Et nous le faisons systématiquement depuis que nous faisons Confrontation. La Cinémathèque de Toulouse envoie une sorte de circulaire à ses pairs de la Fédération des Archives, et chacun dit, voilà, sur ce thème, nous pouvons vous prêter ça. Oui, alors au fond, c'est quand même une manifestation unique en France. Je crois, oui. Chaque année, et notamment celle-ci sur la guerre d'Espagne. Mais alors, en tant que spectateur, permettez-moi de vous poser quand même d'autres questions, parce que j'ai été frappé, parce que j'ai assisté quand même à pas mal de vos séances, par le fait que le même document d'archives, le même matériau, peut, selon le commentaire qui en est fait, aboutir à des visions tout à fait opposées. Je prends un exemple qui m'a frappé, mais je suis sûr que vous en avez d'autres. C'est l'exemple du reportage sur le mouvement révolutionnaire qui a été produit, je pense, dès juillet 1936 par les anarchistes de la CNT-FAI, et qu'on retrouve, mais avec un commentaire tout autre, dans les films de propagande nazie ou dans les films qui, à l'époque du gouvernement de Vichy, ont été inspirés par cette propagande. Oui. Qu'y a-t-il dans ce reportage? Écoutez, là, en plus, vous avez la chance de pouvoir suivre le cheminement d'un document, puisqu'il y a aussi des utilisateurs de ce document. Bon, par exemple, la FAI tourne en juillet 36 ce document. Qu'il montre, ce document? Ce document montre, par exemple, le fameux épisode des momies. On saccage des couvents, on ouvre des cercueils, et on dit, voilà, regardez... Les anarchistes le disent. Regardez la preuve de la cruauté des prêtres et des cléricaux qui torturaient les gens et qui les faisaient mourir. Regardez même comme ils sont maigres. Bon, cet épisode est très connoté historiquement. Pour les Catalans, par exemple, cet épisode renvoie à des épisodes de la semaine tragique de 1909, où déjà s'était produit cet épisode, que d'ailleurs Antoni Ribas a repris dans son film La Ciutat Cremada. Bien. Propagande anticléricale anarchiste. Le document est saisi, je ne sais pas dans quelles circonstances, par des nazis qui en ont connaissance et qui l'utilisent dans un montage. C'est pour ça qu'il y a une chose que quand la guerre, l'armée nationaliste avançait et occupait des villages, et beaucoup de fois dans ces villages, on trouvait les copies, oui. Les bobines qui sont de la côté républicaine. C'est ça. Alors ce document récupéré donc par les franquistes, arrive à Berlin. N'oublions pas quand même que la Tobis développait les films franquistes. Le film arrive à Berlin. Les nazis montent un film qui s'appelle Die Rote Peste, la peste rouge. Ils y intègrent cette séquence et ils le prêtent à tous les services de propagande. Par exemple, le service de propagande pétainiste. Vichy va utiliser Die Rote Peste et va y mettre un commentaire français. Le film français, vous avez la mémoire courte. Exactement. Et parlant de la variété des foules à Barcelone. Voilà, disant, dès que les communistes sont au pouvoir, c'est le même problème, ils saccagent les couvents. Bon. Cette séquence, Jaime Camino en avait besoin pour son film La Vieja Memoria, et donc la Cinémathèque de Toulouse lui a prêté le document vichysois, qui est donc revenu à Barcelone par ce chemin. Et voilà, oui, ça fait un aller-retour culturel assez curieux, oui. Parti de la FAI, et puis passant par les officines nazies et revenant à vous. J'ai fait constater ce que vous dites, que par exemple, j'ai eu des matériaux impossibles de trouver en Espagne à travers de la Cinémathèque de Toulouse, par exemple. Et il y a un très bon exemple de cette manipulation. C'est que dans les films français, vous avez la mémoire courte, il y a une fusillade d'une armée qui tue des gens. Alors, la fusillade est présentée comme la barbarité qu'ils font, les rouges, avec ces prisonniers pendant la guerre civile en Espagne. Alors, j'ai pris ce morceau, j'ai regardé très bien dans la salle de montage, peu à peu, et j'ai vu que c'était des officiers fascistes qui commandaient des pelotons d'exécution, et que c'était les fusillades des troupes fascistes contre l'armée rouge. Donc la falsification ici, absolument, elle n'est pas seulement dans le commentaire, elle est dans le document. Dans les documents. Alors là, exactement, ça se rapproche assez de l'expérience que nous autres historiens avons souvent pour des documents écrits qui sont simplement des faux. Justement, c'est un problème qui me paraît très important. On se demandait l'autre jour quel était le problème de la critique historique. Mais voilà un exemple aussi où la critique historique doit fonctionner, c'est-à-dire analyser l'authenticité du document selon la méthode de l'école historique française. Parce que dans le même film français... Oui. Dans le même film français, Vous avez la mémoire courte, on voit une série d'exécutions bolcheviques. Si on regarde bien le document, oui, il s'agit des uniformes de l'armée tsariste. Or, oui, que se passe-t-il dans le film de montage? Dans le film de montage, la musique qui pilonne l'oreille du spectateur, le commentaire qui est lui-même très véhément dit « Et voilà, une fois de plus, que recommencent les atrocités et les barbaries des Rouges. » Bon, le spectateur n'a fait qu'entendre ça, il n'a pas le temps d'analyser le document dans son authenticité. Et le même document... Parce que ça va vite, le cinéma. Oui. C'est pas comme les archives écrites. Et voilà. Et dans tous la recherche que j'ai fait pour les films « La vieja memoria », et même des sources que j'avais de confiance, et avec des films qui, en principe, avaient un caractère très défini, et il a fallu pour moi que je fasse une recherche sur l'image pour vérifier, par exemple, que des avions qu'on dit qu'ils sont sur Madrid ne sont pas des avions qui étaient sur Madrid, sinon sur Berlin, par exemple. Il y a des morceaux, dans les films de montage, on a fait tout. On a employé, on a manipulé les matériels d'une façon incroyable. Mais même à gauche qu'à droite. Moi, je voulais souligner ça. Ce n'est pas seulement les commentaires qui peuvent modifier, ou falsifier, ou connoter la signification des images, mais même le montage, le contexte visuel. Parce qu'on parlait de commentaires, mais parfois, un film sans commentaire, et ça, moi, vous connaissez bien l'effet Kuleshov, des images juste à poser peuvent créer, signifier, et c'est le cas, à mon avis, de ton film. Dans certains morceaux de ton film sans commentaire, les images deviennent éloquentes dans un sens précis. C'est le même procédé qu'emploie Patino dans Caudillo, quand il fait parler la fille de Franco qui dit « Je souhaite beaucoup de bonheur aux enfants du monde pour qu'ils soient aussi heureux que les enfants de mon pays » et qu'on enchaîne aussitôt par le montage sur l'exode et la déportation des enfants républicains. Oui. C'est de la manipulation quand même, même si elle est de gauche. Il y a toujours manipulation, par définition. Oui, il y a un film, il faut de la manipulation. Exactement. Il faut le faire. Alors là, ça vous pose un problème assez important, parce qu'effectivement, en dehors des cas que vous venez de citer, où la falsification existe dans le document brut, c'est-à-dire où il y a des uniformes tsaristes à la place d'uniformes soviétiques, etc., vous avez le problème de la manipulation. Alors, quand même, je me demande, peut-il y avoir de cinéma sans qu'il y ait une certaine manipulation? Parce que si on montrait aux spectateurs des documents d'archives bruts, filmés, ils s'ennuieraient beaucoup. Il faut quand même qu'il y ait un travail poétique, au sens propre du terme, un travail de création. C'est ça ce que vous appelez la manipulation. Alors, je crois qu'il y a une différence entre un travail de manipulation frauduleux, c'est-à-dire où on fait dire à l'image le contraire de ce qu'elle veut dire en réalité, et une certaine fidélité dans le commentaire du document. Alors, on ne reproche pas, par exemple, à un historien de tenter sa propre hypothèse historique ou synthèse historique à partir d'un certain nombre d'éléments que, dans sa propre démarche heuristique, il a réussi à rassembler. Donc, on sait qu'à ce moment-là, c'est une hypothèse, une synthèse historique. Le propre, à mon avis, dans la vision scientifique de l'histoire, où on ne peut pas recommencer par la vérification expérimentale. Il n'y a pas de laboratoire. Donc, le seul moyen d'essayer de rétablir la vérité historique, c'est la confrontation. C'est un peu notre propos. Le même document, plusieurs tentatives de synthèse historique doivent quand même quelque part avoir des points de rencontre, et c'est ça qui est intéressant. Non, mais là, il y a un autre problème, il me semble. Enfin, c'est le problème de sélection. Parce que vous faisiez allusion tout à l'heure au travail de l'historien, quand même, il essaye, quand c'est un bon historien, de voir l'ensemble, disons, des documents relatifs soit à un événement, soit à un homme, soit à un courant intellectuel, alors que vous êtes amené par la richesse même de vos fonds d'archives filmées à opérer une certaine sélection dans vos images. Bon, voyez-vous qu'il faudrait faire une chose en début, que je vais souligner, c'est que par exemple, avec des matériaux tellement utilisés d'un côté et de l'autre, même pour des gens ignorants du fait, par exemple, de la guerre civile, d'un point de vue historique, Ce qu'il faudrait, ce serait de même faire un travail de recherche au début pour savoir exactement ce que l'image est. Exactement. Je veux dire, il y a des images, par exemple, des frontes. Alors les frontes, tous sont pareils. Mais si par exemple on parle du front de l'Ebro à la fin de la guerre civile et on voit que l'armée est dans un état équite, c'est très significatif et très important que ces plans du film soient de la bataille de l'Ebro. Je veux dire parce que ça change beaucoup qu'une armée soit propre, bien organisée, bien arrangée au début de la guerre, ou une armée qui est fatiguée et mal habillée, etc. à la fin. Je veux dire qu'il faut faire une recherche pour vérifier d'où sont les plans qui maintenant, par exemple, en relation avec la guerre de l'Espagne, sont dans la cinémathèque de Toulouse, dans la cinémathèque de l'Espagne, sont un peu partout, et que je crois qu'au moins la moitié ne correspond pas à pas la période exacte. C'est pas la période exacte, ça ne correspond pas. On dit, monsieur Lettel, monsieur Franco, dans les fronts des... Je suis sûr que la moitié, au plus, c'est pas vrai. Ouais. Qu'il faudrait faire la recherche de savoir si ces plans correspondent ou non au fait qui destine les vieux films. Et dans le cas précis du passage de l'Èvre, nous savons que le metteur en scène communiste du film a raconté qu'il avait reconstitué certains passages qui étaient pratiquement infilmables sur le théâtre d'opération et que Frédéric Rossif les a repris dans Mourir à Madrid comme étant des documents poignants d'authenticité alors qu'ils ont été tournés, disons, à l'abri des balles parce qu'il y a par exemple des panoramiques qui sont absolument impossibles à prendre le dos à la mitraille ou bien alors, par exemple, la distribution des armes au Cuartel de la Montagne à Madrid, a été reconstitué parce qu'il n'y avait pas assez de lumière quand on a distribué les armes. Donc on ne pouvait pas filmer la distribution des armes au petit jour. Alors on les a reconstitués en studio, mais il n'en demeure pas moins que le fait est vrai, donc il n'y a pas falsification ici totalement non plus. Mais ça c'est curieux et il faudrait constater qu'il y a des faits de la guerre, au moins que je connaisse, qu'on n'a jamais filmé. Par exemple, les débuts de la Révolution à Barcelone, le 19 juillet, il n'y a pas un matériel tourné les mêmes jours dans les rues. C'était tellement grave ce qui s'est passé, c'était tellement violent, c'était tout à fait surprenant que les caméras n'étaient pas dans la rue. Oui. Pendant qu'après, j'ai vu des matériaux très mauvais, d'ailleurs, qui ont été filmés, à Barcelone même, je crois que par Cinetify, qui font, ils font la guerre. Ils ont fait la fiction de ce qui s'est passé le 19 juillet. Ou par exemple, un document que je crois que va se passer à la confrontation, que c'est la Tchékas. Oui, les Tchékas. La Tchékas, c'était les supposées chambres de torture qu'il y avait la police secrète à Barcelone ou à Madrid, non? Alors, j'ai découvert des matériaux filmés par Edgar Nevin, et après la victoire de Franco, qui ont été absolument faussés, mais reconstruits. On voit qu'il y a certains plans qui sont vrais. On a monté une fiction, on a fait ça dans les studios. Et on a organisé les visites pour la presse étrangère, puisque le reporter de l'Illustration à l'époque dit « J'ai vu ces Tchékas, c'est vrai, elles existent. Maintenant, on n'y sent aucune odeur, c'est tout propre. » Alors, il ne semble pas quand même que ça ait pu servir. Pour qu'un journaliste de l'Illustration ose dire ça, c'est que ça devait se sentir. Et c'est pour cela que l'expression « document brut » que vous utilisez, c'est une expression un peu fortunée, parce qu'il n'a pas de document brut. Même ce qu'on appelle document brut, c'est un document manipulé. Lorsque le caméraman fait un cadrage, le cadrage est sélectif. Est sélectif et choisit un morceau de réalité. Et lorsque, à la table de montage, on juxtapose des mètres de film à un autre morceau de film, on manipule. C'est pour cela que je n'aime pas du tout l'expression matériel brut. En parlant de falsification de l'histoire et de ces règles historiques dont Camille a parlé tout à l'heure, je me souviens que Romain Carmen m'a fait remarquer qui est la photo qui illustre le livre de Kostov des journaux de la guerre d'Espagne, qui est bien connu, qui a été publié en français et en espagnol. Il y a une photo qui dit « Voilà Romain Carmen en Espagne, en train de tourner en Espagne ». Et Carmen m'a fait noter que la photo avait été prise à Berlin. Alors, ce n'était pas en Espagne. Voilà, c'est juste très normal, très habituel dans le cas des documents de la guerre. Mais c'est aussi par ignorance. Hein. C'est pas seulement par ignorance, manipulation volontaire de faire une tergiversation de la réalité, mais aussi par ignorance. Oui. On croit que cette photo de Carmen à Berlin, c'est une photo prise à Madrid. Oui, mais là, je pense quand même qu'on touche un des problèmes essentiels de la substance historique dans le document filmé. Je veux dire, le document brut, c'est la réalité, c'est-à-dire c'est le fait que l'on filme. Donc le document cinématographique par rapport à l'histoire est toujours une falsification. Et pourtant, disons toujours une transposition. Non. Je veux dire par là que ce n'est pas la vérité, puisque ce n'est qu'une fiction. Et que trop souvent, les services de propagande auront parfaitement compris que la crédibilité de l'image est telle que les gens prennent souvent pour des faits vrais, des faits filmés, et que vous pouvez trouver des témoins de la guerre d'Espagne qui vous racontent des épisodes de leur vie parce qu'ils les ont vus filmés pendant leur pause, pendant leur halte. Mais ça, je crois que ce n'est pas de la mythomanie, c'est vraiment cette sorte de syncrétisme de la mémoire qui se fabrique chez nous. Oui, je pense aussi qu'il y a un autre aspect, c'est que certaines images échappent en quelque sorte à l'intention et aux motivations de celui qui les présente. C'est-à-dire que on peut, si vous voulez, sympathiser avec le camp républicain dans des images qui sont présentées par des fascistes. Parce que souvent, c'est comme dans les livres d'ailleurs, c'est pas en voulant dénoncer, ou on commence par exposer, et du fait même, on peut solliciter la sympathie pour la cause adverse. Bien sûr, bien sûr. Parce que vous projetez vos sentiments sur l'écran. Vous faites une lecture personnelle. Oui, mais vous laissez le spectateur libre de faire sa propre lecture. C'est-à-dire, on ne peut pas empêcher c'est ça. C'est la lecture, il y a diverses lectures, parce que c'est le même problème, c'est quoi pour tous les champs de l'histoire. Si tu lis Don Quichotte d'une façon, c'est divers à la façon d'un critique historique qui découvre l'érasmisme et la lutte des religieux dans l'époque de Cervantes à travers Don Quichotte. Si la bala me va, si mi vida se va, bajadme callados a la tierra. Las palabras dejad, es inútil hablar, ningún héroe es el caído de tiempos futuros. Será forjador, ansiaba la paz, no la guerra. Si la bala me da, si mi vida se va, bajadme sin más a la tierra. Nous allons redonner la parole à Ricardo Muñoz Suárez dans un texte qu'il a donné au cahier de la Cinémathèque qui s'appelle « Cinéma idéologique et guerre idéologique ». Ce qui nous distinguait de nos maîtres à 20 ans, c'était la présence de l'histoire. Pour eux, il ne s'était rien passé. Nous, commençons par des tués. Nous, sommes des gens dont l'histoire a traversé le champ de bataille comme un char, a déclaré André Malraux au cours de l'été 1972. Selon moi, il faut partir de cette constatation de Malraux pour structurer notre actuelle confrontation. S'il y a une histoire vécue, non seulement pour ceux qui y avons participé et y avons survécu, non seulement pour ceux qui sont morts, mais encore essentiellement pour les générations d'antifascistes qui se sont succédées depuis 1936 et qui a marqué la lutte pour la liberté, c'est bien la guerre civile espagnole. Notre guerre rassembla des millions d'êtres du monde entier conscients de leur transcendance. Elle a éclairé d'héroïsme ce qui allait être le combat contre le fascisme. Elle a réveillé tous les intellectuels. Elle a servi à conscientiser l'histoire. Mais à partir d'elle aussi, le monde révolutionnaire a connu la tragédie des assassinats de Moscou. Elle a préfiguré les contradictions du processus révolutionnaire international. Elle a servi de thème à la poésie, au théâtre, à la peinture, au roman et au cinéma du monde entier. Et c'est ici, maintenant, à Perpignan, ville témoin de la tragédie espagnole au pied de ces montagnes qui furent d'abord une invitation à la lutte, puis le théâtre d'une honteuse déroute, plus tard encore le passage et le pont clandestin, aujourd'hui le chemin de l'union entre les démocrates. C'est ici que le cinéma sur et de la guerre d'Espagne, le cinéma de la vérité et du mensonge, déversera ses images devant les spectateurs assemblés en 1978 et engagera avec eux le dialogue de la vie et de la mort, de l'espoir et du désespoir, et de l'histoire collective face à la solitude de l'homme. Mais il provoquera aussi les réflexions sur sa propre essence cinématographique, sur son langage et sur sa raison d'être. Création, fiction, spectacle, propagande, poésie, images, témoignages et histoires, récupération de la mémoire oubliée, perdue ou falsifiée. Mémoire individuelle et mémoire collective, mémoire des autres et mémoire nôtre, mémoire de ceux qui avons vécu la guerre dans la guerre, et mémoire de la guerre pour ceux qui sont nés après elle, mais qui l'avaient vécu par le sang versé de ces morts qui, pendant près de 3 ans, ébranlèrent le monde et l'ébranlent encore. Ricardo Muñoz Suárez, extrait des Cahiers de la Cinémathèque. Bombardeos en Madrid, Durango, Bilbao, Guernica. De tiempos futuros será forjador, ansiaba la paz, no la guerra. Si la bala me da, si mi vida se va, bajadme sin más a la tierra. La guerre d'Espagne, ce ne fut pas seulement la guerre idéologique dont vient de nous parler Ricardo Muñoz Suárez. Et le cinéma, je pense autant que le livre, nous rappelle qu'entre la réalité des faits vécus quotidiennement et les épisodes devenus des mythes, nous devons faire intervenir tout un travail de médiatisation, de poétisation. Et bien sûr, ce travail peut être fait dans directions différentes. Outre ce qui relève de toute esthétique, et comment le cinéma y échapperait-il ? Il y a ce que j'appellerais volontiers une idéologie déformante qui peut jouer, au sens où il y a des miroirs déformants. Mais il y a aussi simplement la transposition qu'exige la confection même du film. Et c'est ici où les cinéastes, un peu comme les historiens, ont la tâche de rendre lisible ou visible une vision globale qui peut respecter les faits, mais qui en restitue la cohérence. Bref, des documents, mais pourquoi faire ? Nos amis Marcel Homs et Roman Gubern, que vous avez entendu il y a quelques instants, et maintenant Barthélémy Amengal, José Baldizón et Edmond Grove reviendront, je pense, sur ces problèmes. Donc, comment passe-t-on du document au film ? Que fait-on du document ? Je crois que le rôle essentiel est joué par les mythes. C'est-à-dire que tout récit a besoin, pour prendre appui vis-à-vis de l'auditoire, de s'appuyer sur des structures de mythes. Et la guerre d'Espagne va fonctionner sur un certain nombre de mythes. Le mythe de Teruel, le mythe du passage de l'Ebre, le mythe du siège de Madrid, le mythe du désordre en Catalogne, et peut-être ces mythes vont-ils eux-mêmes prendre appui sur des mythes anciens de la culture espagnole. Le mythe du siège prend appui sur le mythe de Numance, etc. Vous parlez du mythe du siège, Oui, je pense que c'est une idée qui est chère à Marcel Homs, et je crois qu'il a tout à fait raison de relier le mythe du siège, tel qu'il est transposé dans la production filmique, avec une assez longue tradition dans la littérature espagnole. Il pense au Romancero, enfin un certain nombre d'autres choses. Mais je pense qu'il faudrait peut-être essayer de questionner précisément ce mythe du siège, car ce qui est important, ce n'est pas tellement le fait qu'il y ait eu beaucoup de sièges qui étaient transposés dans l'histoire espagnole, que les raisons pour lesquelles ces choses-là ont pu se produire. Alors je crois que, par exemple, l'état de siège est la représentation métaphorique de la recherche d'une conscience collective. Et il est vrai qu'une ville assiégée, par exemple, dans une ville assiégée, chacun vit le destin de tous. et le moindre traître est considéré comme, enfin, ou la moindre déviation est considérée comme quelque chose d'extrêmement dangereux. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une particularité de la transposition de l'histoire espagnole que de créer le mythe de l'état de siège. Alors, mais je pense, si on prend par exemple le siège de Numance, la mythologie du siège de Numance, pendant la guerre d'Espagne, à Madrid, Alberti, pour le Parti communiste, organise des représentations de la Numance de Cervantes. Mm-hmm. En 1949 et 50, la production espagnole, avec Cerca del Cielo, que nous avons vu, et El Santuario no Serrinde, que nous n'avons pas vu, réédite le mythe du siège de Numance. Or, on en avait parlé une fois avec Roman Gubern, il se trouve que dans le siège de l'Alcazar aussi, on va voir se reproduire la mythologie du siège de Tarifa, où Guzmán el Bueno avait donné son couteau. Or, le mythe, lui, évacue l'histoire, et Roman Gubern appartient à cette catégorie de gens qui, en Espagne, ont appris à l'envers l'histoire. Oui, c'est vrai, à l'époque, on a appris l'histoire chez nous, à partir de cette mythologie, on faisait un flashback pour revenir aux anciens mythes de l'histoire de l'Espagne. Mais moi, je voulais vous poser une autre question qui m'intéresse. Pourquoi les documents, pourquoi les actualités deviennent films de fiction? Alors, à mon avis, il y a un problème de commercialisation de la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne doit être consommée par une vaste population de consommateurs, et c'est pour cela qu'on modifie les documents, on modifie les actualités, on saute à un nouveau genre, les genres de fiction, les genres de fabulation, les genres de cinéma fictif. Oui, mais ce genre n'est pas innocent. C'est-à-dire que puisque vous parliez tout à l'heure du siège de l'Alcazar, il est évident que le mythe des cadets de l'Alcazar, alors que l'histoire sait très bien qu'il n'y avait pas beaucoup de cadets lors du siège, a servi, je dirais, la propagande extérieure du camp nationaliste au moment des événements mêmes, voire à l'écho qu'on en trouve chez Brassillac en France à la même époque. Non, mais ce qui peut intéresser l'historien, par exemple, pour l'Alcazar, c'est que vraisemblablement l'histoire du coup de téléphone, Moscard recevant le coup de téléphone des Rouges, lui disant « Votre fils est entre nos mains, vous allez lui parler », qui a fait vibrer le monde entier, était faux puisque le téléphone était coupé depuis au moins une semaine. Donc, pourquoi a-t-on fabriqué ce mythe du fils aux mains des ennemis? Moi, je distinguerais entre mythe et mythologie, que jusqu'ici, j'ai l'impression qu'on a mis sur le même plan. Moi, je crois que les mythes, plus ou moins souterrainement, nourrissent l'idéologie, alors que la mythologie, elle est fabriquée plus ou moins clairement par l'idéologie. Alors, je conçois fort bien que tout état de siège, toute situation d'encerclement, fasse rejaillir plus ou moins spontanément tout un passé culturel qui se réfère aux expériences du siège, de l'encerclement, et suggère aussi au pouvoir, très consciemment, de les exploiter. Et je pensais, je ne savais pas que le téléphone était coupé à l'Alcazar, et parce que j'ai lu un peu partout, c'était donc faux, qu'il s'agissait d'un fait historique. Je vais plus loin. J'imagine que le fait ait été réel, et qu'effectivement, le téléphone n'étant pas coupé, cet échange ait eu lieu, il n'était pas exclu que le comportement de ces deux antagonistes ou protagonistes, chacun à un bout de la ligne téléphonique, n'ait joué cette scène qu'en fonction d'un passé culturel qui remontait. J'irai jusque-là. Moi, j'ajouterais, il me semble aussi jouer en fonction du côté spectaculaire. Parce que ce qui me frappe un peu, c'est que finalement, la guerre d'Espagne, c'est peut-être le premier grand événement historique contemporain du cinéma. Et du cinéma parlant, donc du cinéma accessible à un public très important. Or, moi, ce qui m'a frappé, c'est justement l'importance accordée à des éléments spectaculaires. Alors là, on vient de parler pendant un moment des problèmes de siège, mais je crois que dans les bandes d'actualité que nous avons vues, ou même dans Arras, il y a une espèce de volonté de transformer l'événement historique en un spectacle. En un spectacle qui reprend souvent des traditions mythologiques, mythiques, ou qui reprend les traditions spectaculaires du cinéma que les gens ont déjà maintenant l'habitude de voir. Et ça me paraît un élément important aussi. Moi, je suis d'accord pour le découpage spectaculaire, mais je pense qu'il n'y a pas que cela. Je crois que si on fait la liste hein, des thèmes qui sont retenus et des événements qui sont retenus par la production filmique, on constate que, bon, il y a en gros les sièges importants comme l'Alcazar, comme le siège de Teruel, il y a la bataille de l'Èvre, il y a le thème des brigades internationales. Bon. Mais autrement dit, moi j'ai l'impression que c'est surtout une geste républicaine officielle qui est en question. Et ça, c'est une première limitation. La deuxième limitation, je l'ai vu apparaître dans la dernière production catalane par effet de retour. C'est-à-dire que la deuxième limitation, c'est ce qui me semble être, par exemple, l'occultation qui a atteint un certain nombre d'événements que l'on découvre maintenant à travers la nouvelle production catalane en particulier. Par exemple, la collectivisation d'Aragon. Par exemple, les affrontements tragiques du mois de mai à Barcelone entre les trotskistes et le PSOUK. Et donc, ces deux limitations me paraissent décrire des contours idéologiques. Et des contours idéologiques qui seraient, à mon avis, des contours idéologiques du discours communiste. Du discours communiste, et c'est ce qui me fait dire que ce discours communiste revient. Enfin, ce discours communiste a occulté un certain nombre de voix contradictoires, parce que, par exemple, ni les trotskistes, ni les anarchistes n'avaient les moyens de la production. Et je crois que c'est ça la spécificité filmique. Je termine. Je veux dire par là qu'au niveau des faits, on a par exemple une vision trotskiste avec la vision, par exemple, de Brouet et Thémine. Oui, mais c'est faux historiquement. Tandis qu'au niveau de la production filmique, je ne la vois pas apparaître. De la même façon, il me semble, je connais peut-être beaucoup plus mal que Marcel Homme, c'est que vous, en général, toute cette production. Dans le premier temps, dans les grands classiques de la guerre d'Espagne, c'est le paysage castillan qui apparaît surtout. Et il y a une deuxième occultation qui est l'occultation de tout le cadre spatial catalan. Et il me semble donc redécouvrir, enfin c'est la grande découverte que je fais à cette confrontation, redécouvrir avec ce que j'appellerais le nouveau cinéma catalan, un discours idéologique qui jusqu'ici a été réprimé. Alors j'ai l'impression que c'est ce discours idéologique réprimé qui ressurgit sous la poussée de la prise de conscience du fait national catalan. Oui, une toute petite parenthèse historique, enfin, oui. Si je dis Edmond Cros, c'est faux, c'est pas... Oui. Je veux dire par là que les ouvriers, des techniciens de Barcelone étaient, en 1936, au contraire, plus préparés que certains autres à l'enregistrement cinématographique. Seulement, il y a eu une sorte de séparation que nous avons retrouvée tout au long de confrontations entre la guerre comme on la faisait à Madrid et la guerre comme on la faisait en Catalogne. Je veux dire, c'est un discours que les franquistes auront repris à leur compte en 1941. Dans Race, par exemple, à Madrid, on fait une guerre propre. En Catalogne, on fait une guerre sale. Non, mais je ne vois pas ça au niveau de la... Je ne vois pas cette contradiction au niveau de la production filmique. Elle n'apparaît pas. Au niveau de la production filmique, si tu veux, c'est ce qui expliquerait. C'est ce que j'appelle ce discours, ce lieu idéologique défini par, disons, le discours communiste qui me fait dire que, par exemple, qui peut expliquer que dans la grande geste de la guerre civile espagnole, l'accent était mis davantage sur les développements des faits des opérations de guerre que sur les fluctuations de la lutte révolutionnaire. Or, c'est cette fluctuation de la lutte révolutionnaire qu'on découvre maintenant. Permettez à l'historien béotien que je suis de vous poser une question. Ne croyez-vous pas quand même que, dans le fait que le discours communiste ait été privilégié, il y a le fait qu'entre-temps, entre les événements d'Espagne et nous, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et il y a eu le rôle déterminant joué par l'Union soviétique. Deuxième question que je vous pose. Je l'ai posée en regardant le film de Román Carmen, Granada. C'est que le discours communiste lui-même a évolué au fur et à mesure que le communisme a évolué. On ne peut pas ne pas tenir compte d'une certaine déstabilisation dans le passage de la production de contemporaine des événements et celle d'aujourd'hui. Non, mais je suis tout à fait d'accord sur tout ce qui vient d'être dit. J'insiste simplement sur le fait que on voit apparaître avec la nouvelle production cinématographique, celle des dernières années, des deux dernières années, une voie nouvelle qui jusque-là a été occultée. Oui. Je ne sais pas ce qu'en pense José Manuel. Je ne sais pas si je vais te répondre une bêtise, oui. Mais il me semble que le discours que nous avons vu est un discours qui pouvait avoir des références cinématographiques. Et moi, j'ai un peu l'impression que les opérateurs, les metteurs en scène, ont fait constamment, et nous l'avons souvent souligné, des références au grand cinéma soviétique en particulier. Les problèmes que tu soulèves, je dirais, n'avaient pas de références cinématographiques. Et à la limite, on commence à pouvoir peut-être avoir apparaître ces éléments-là, après 68, dans des éléments de ce genre, mais auparavant. Il me semble que opposer production à production, discours à discours, c'est peut-être un peu rapide, parce que d'abord cette production numériquement ou volumétriquement, c'était quand même pas grand-chose, et ça change ou c'est en train de changer, mais surtout ce ne sont pas les mêmes gens qui tiennent le même discours. Donc que ce soit le discours dominant qui ait marqué le cinéma de cette époque-là que nous revoyons maintenant, et qu'un nouveau discours... on passe, sinon de dominer, au moins de pouvoir se faire entendre parmi des gens moins audacieux qui les entourent, conduisent à une nouvelle vision qui met en cause la première, je trouve ça tout à fait... C'est très con pour l'histoire. Toi, tu parlais production, comme on le dit aujourd'hui en linguistique, et moi, je parlais production en termes de cinéma. C'est pour ça que je voudrais revenir sur l'intervention. Mais je crois qu'on est là au cœur du débat. C'est-à-dire que à Barcelone, qui est-ce qui prend les caméras? Ce n'est pas des metteurs en scène. Ce sont des opérateurs ou ce sont des techniciens. C'est-à-dire donc, c'est un discours plus près de la masse. Peut-être mal organisé d'ailleurs. À Madrid, au contraire, ce sont des metteurs en scène qui prennent en main le discours. Et si nous avons entendu beaucoup plus souvent et beaucoup plus longtemps le discours communiste sur la guerre d'Espagne, c'est parce qu'entre Madrid et Moscou, il y avait un pont aérien qui a permis d'évacuer les films enregistrés à partir de 1939. Quand le siège de Madrid s'achève, que la guerre d'Espagne est cuite, les films communistes sont évacués sur Moscou. Et ils vont être utilisés par la suite dans les montages de Frédéric Grossif, dans les montages de Kurt et Jan Stern. Alors que les films catalans, nous avons vu qu'ils avaient été récupérés par les nazis et qu'ils ont servi au contraire à tenir un discours inversé. Or, ce qui est intéressant dans une confrontation, c'est de savoir comment et par quelle forme ça nous revient. Oui, moi je voudrais revenir sur un certain nombre de problèmes. Effectivement, je suis heureux de voir que Marcel revient sur le malentendu qu'il avait introduit à propos de production, car il est bien entendu que je ne parlais pas du même niveau. Et d'autre part, je reviens sur ce que dit Mingual, lorsqu'il dit que ce ne sont pas les mêmes gens qui filment. Mais lorsqu'on se situe au niveau de l'idéologie, le problème de l'individu importe peu. Il y a une idéologie anarchiste, il y a une idéologie anarchiste, et il y a une idéologie, ou disons un système idéologique anarchiste, il y a un système idéologique, en gros communiste, et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est ce qu'on peut appeler en gros, en tenant compte du fait que c'est probablement une imperfection d'expression, le discours communiste, il est évident que ce discours communiste a évolué. Mais lorsqu'on parle d'un discours communiste, on comprend également les évolutions internes de ce discours. Alors, je crois que c'est un débat qui me paraît capital, parce que, par exemple, non seulement il touche à ces fameuses occultations que l'on voit ressurgir à l'heure actuelle, et qui, je le répète, constitue un fait nouveau, mais encore et surtout dans la mesure où ce discours communiste fait surgir des valeurs qui sont complètement contradictoires à certaines valeurs de certains courants révolutionnaires hispaniques. Et moi, j'ai été frappé, par exemple, dans le film russe qui est paru le premier jour de confrontation, qui date de 1939, de voir qu'il est fondé sur deux valeurs, de façon très nette, qui sont l'ordre et le nationalisme. Bon, deux valeurs que les anarchistes en particulier les anarchistes, ne pouvaient pas reconnaître. Donc, il est important de voir que c'est une voie qui a été occultée pour les raisons que vous souligniez tout à l'heure. C'était un secteur révolutionnaire espagnol qui n'avait pas les moyens de la production. Moi, je voulais signaler que les modèles idéologiques du cinéma de guerre en Espagne sont très liés au modèle esthétique. Par exemple, lorsqu'on voit Espoir, la référence, le cadre de référence d'Espoir, c'est le grand cinéma soviétique, et en particulier un film de Piscator qui s'appelle La Révolte Pêchère. Je ne sais pas si vous avez vu, vous souvenez, composition des images, etc. Si vous prenez de l'autre bande, la bande des côtés fascistes, un film comme Les Six d'Alcazar, voilà la référence à le western. C'est-à-dire, le modèle, c'est la forteresse assiégée par les Indiens. Oui, c'est-à-dire que vous auriez deux modèles esthétiques qui sont idéologiques, qui sont d'une part et à la fois idéologiques, qui est le modèle des premiers films russes, par exemple, et le modèle du western. Et dans le cas des films de Janina, par exemple, les Indiens, c'est-à-dire les républicains, sont les méchantes, tandis que les assiégés sont les héros. C'est pour cela qu'il faut tenir compte des films de guerre en Espagne par rapport au cadre créé par le cinéma commercial ou par le cinéma tout court, par les gens du cinéma tout court. Alors, ça, c'est de la référence idéologique précise. Oui, mais je voudrais dire, je reviens encore sur la position de Gross, c'est que le discours que tu appelles communiste, bon, pour simplifier les choses, et que moi je qualifierais de discours dominant pendant la guerre civile elle-même, il faut bien voir qu'il était, il pouvait être dominant dans la mesure où, en évacuant justement les contestations ou les oppositions gauchistes, allons vite, il pouvait rallier une certaine unanimité. Et on voit que même Espoir, qui est fait dans un autre contexte par un cinéma franco-espagnol, mais plus français qu'espagnol, va aller toujours dans ce sens, c'est-à-dire gommer les positions idéologiques et politiques pratiques et célébrer surtout l'internationalisme, l'unité à tout prix. Il est facile d'obtenir une certaine majorité quand on prêche l'unité. Vous m'inquiétez un peu, Barthélémy Arengual, parce que quand vous parlez de discours dominant, si vous parlez du discours filmé, je vous crois. C'est mais si vous parlez du discours en général, je ne suis plus d'accord, parce que justement cette occultation dont parlait Edmond Croce a abouti à sous-estimer complètement ce qu'on peut appeler la guerre civile à l'intérieur de la guerre civile, c'est-à-dire quand même l'importance, en Catalogne notamment, de tout un courant qui, pour des raisons faciles à comprendre, a été gommé et commence à réapparaître. Tu viens de dire très exactement ce que je voulais dire. C'est un discours, effectivement, le discours communiste est peut-être dominant dans la production filmique, s'impose petit à petit à l'intérieur de la guerre civile peut-être, mais il n'a pas été dominant pendant toute la guerre. Je crois qu'il devient cinématographiquement parlant dominant au fur et à mesure finalement qu'il s'instaure comme le discours dominant pour l'ensemble de l'Espagne assiégée. Et j'ai l'impression qu'il faudrait pouvoir dater précisément l'ensemble des bandes qu'on a vues ou des extraits de films de montage que nous avons vus. Parce que de plus en plus, on a l'impression qu'il y a un recueil d'informations comme celui que Patino a pris dans le Coglio, un recueil d'informations qui est valable pour tous, et à partir de ce recueil d'informations, on développe différents discours. Ces discours sont en majorité discours communistes dominants, disons, mais il y a d'autres issues possibles à partir du même stock d'images. Mais on a l'impression qu'au niveau de la réalisation des images, finalement, on a fait un peu le tour d'un ensemble d'informations qui sont utilisés de manière de plus en plus diverse au fur et à mesure maintenant que les jeunes espagnols reprennent ce matériel et travaillent dessus. Mais ne pensez-vous pas qu'en dehors des rayons généraux que vous venez d'évoquer, il y a quand même le fait que, et là on rejoint la préoccupation de transposition esthétique dans le cinéma, que, disons, les cinéastes les plus connus, enfin je pense à Joris Ivens, ou bien les romans célèbres comme celui d'Hemingway ou celui de Malraux qui ont été adaptés à l'écran, étaient le fait de gens qui étaient à l'époque des compagnons de route, et qui suivait en quelque sorte la ligne qui était la ligne de la Troisième Internationale. Parce que ça n'a pas joué, si vous voulez, pour populariser cette ligne dominante. Mais je pense que ça joue énormément. Tout à fait d'accord. Surtout que finalement, le discours anarchiste, c'est un discours assez spécifiquement espagnol à l'époque. Et d'ailleurs, les gens voyant ce type d'information n'ont pas de référence. Ils ne voient pas à quoi ils peuvent les accrocher. Non, mais ce qui est capital, précisément, c'est le surgissement de nouvelles voies. Et c'est le surgissement de nouvelles voies par l'intermédiaire de la production catalane. Moi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement frappé. Oui, mais encore faudrait-il, dans une émission qui s'appelle « Les lundis de l'histoire », ne pas évacuer l'histoire. C'est-à-dire que vous êtes en train de... Je pense qu'on ne fait qu'en faire depuis le début de l'émission. Non, vous êtes en train d'enfermer le débat dans la mémoire congelée de 36 à 39. Pas du tout, c'est le contraire qu'on est en train de faire. C'est plutôt du dégel, je trouve. Roman Goubert l'a parlé tout à l'heure de la structure western qui a été utilisée par Génine. Or, on disait tout à l'heure qu'en fonction de la critique historique, il ne suffisait pas de considérer l'œuvre comme première, mais l'échange entre l'œuvre et son public. Or, le film qui a le plus parlé au monde de la guerre d'Espagne, ce ne sont pas les films que nous évoquons qui ne nous reviennent aujourd'hui qu'entre spécialistes après avoir été occultés par la Deuxième Guerre mondiale. Or, le film qui a été le plus vu, c'est Pour qui sonne le glas, qui fonctionne lui aussi intégralement comme un western, des franchissements de ruisseaux avec des chevaux, avec des gens assiégés, avec des gens qui vivent dans les grottes, avec le gitan de Hemingway qui devient tout d'un coup le Mexicain du petit groupe. Et ça, c'est le film qui a été vu par des millions, alors que les autres n'ont été vus qu'après coup dans des films de montage. C'est-à-dire, une chose est la production du discours, et l'autre chose, la réception du discours. Moi, je voudrais d'abord m'inscrire en faux contre ce que vient de dire Marcellum, c'est lorsqu'il prétend qu'on évacue l'histoire. Je crois qu'au contraire, on réintroduit l'histoire dans un débat et on l'introduit de façon qui me paraît particulièrement importante. Lorsqu'on a dit, par exemple, que c'était un discours qui reconstruisait une représentation mythique, il est bien évident que l'on pense surtout à la façon dont ce discours est reçu, et imposé et reçu, c'est-à-dire il est à la fois émis et reproduit. Pour un public donné. Et il est bien évident également que lorsque je dis qu'il y a un discours communiste, entre guillemets, qui se livre à ce découpage dans le continuum des faits, on pourrait en dire autant d'autres discours, y compris par exemple le discours qui apparaît dans Pour qui sonne le glas. Disons que c'est une autre voie, c'est une autre récupération qui se situe sur d'autres axes transhistoriques, etc. Mais que sont les films qui ont été vus par les gens? Enfin, je veux dire, les films dont nous parlons, ce sont les films qui ont été vus que par les combattants. Donc, qui n'ont fonctionné... Ah non, je ne sais pas, on ne parle pas de non, les films. Non, je t'assure, mais historiquement, les films de la production espagnole entre 36 et 39 étaient vus à l'intérieur des camps de combattants. Mais je ne parlais pas de cela. Bon, moi, je voudrais que l'on parle un peu dans une réflexion sur le passage de l'histoire au mythe, sur les films qui ont véhiculé l'histoire d'Espagne pour des millions de... Mais c'est de cela que l'on parle. Moi, je n'ai jamais parlé des films de 36-39. Ah oui, mais on n'a parlé que de cela, la production des films de Barcelone et des films de Madrid. Ah non, lorsque je parle de la production de Barcelone, je parle de la production des deux dernières années, oui, je dis. Camino, j'ai dit des deux dernières années. Oui, mais alors il faut parler de Patino, qui lui produit à Madrid, Caudillo, et non avec l'espace de la guerre. Bon, j'ai effectivement parlé de la production filmique des deux dernières années, et pas du tout de celle de 36-39. Oui, oui. Enfin, c'est tel que tu l'as compris. Oui, à mon avis, tu parlais de Camino et de Radio, en particulier sur les films qu'on a vus. Et moi, je pense qu'il y a une différence nette entre la production de Barcelone et la production de Madrid. C'est pas facile à verbaliser où est la différence, mais on le sent très vite qu'il y a une école de Madrid et une école de Barcelone. Mais où réside la différence? Bon, ça, c'est un autre discours. C'est pas facile à verbaliser. À mon avis, tant le film de Camino qu'on a vu, la vie de mémoire, comme l'enquête sur Raza faite par Heraldi, sont des films. Sont des films où on interroge la mémoire, ce sont des films de réflexion, ce sont des films, si l'on peut dire, métalinguistiques, dans le sens de que le langage sert au langage. À mon avis, moi je vois que la différence va dans cette direction. Moi j'ai collaboré à tous les deux films avec Heraldi et avec Camino. Et j'ai senti cette préoccupation lorsqu'on a élaboré le film. C'est une recherche au niveau du langage, une recherche de la mémoire à travers les mécanismes linguistiques de communication. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça dans le passé. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je crois que c'est peut-être là que doit être la réponse. C'est clair, dans le cas de la... C'est un film très différent, voyez-vous. Mais... Oui, mais il n'en demeure pas moins que dans cette façon de parler de la guerre d'Espagne... Celle qui aujourd'hui, à Barcelone, essaie de reconquérir et de récupérer la mémoire, et celle qui, à Madrid, essaie de récupérer la mémoire, il y a un discours complètement opposé. Je veux dire, le film de Patino, Caudillo, est largement plus manipulé que le film de Camino. Bon, mais pourquoi? Parce que la mémoire que doit récupérer Patino... est différente de la mémoire que doit récupérer Camino. Chez les Catalans, la langue catalane a permis de préserver pendant longtemps, chez des vaincus qui étaient sûrs d'avoir raison, une mémoire qui était plus forte, parce que c'était une mémoire de gens qui avaient continué à vivre leur résistance. Madrid était occupée, et Madrid était coupée du reste de la résistance du monde. Or, quand le monde entier recommence à vouloir parler de la guerre d'Espagne, c'est mourir à Madrid... qui reparle. Et à quoi comment répondent les franquistes? Par morir en Espagne. C'est-à-dire, vous nous parlez d'une capitale, nous on vous parle d'un pays. Et par contre, la récupération de la mémoire à partir de la région catalane est encore une récupération à partir du pays et non plus à partir de la capitale. Et ça me paraît fondamental. Mais non, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Marcellum. Je trouve d'ailleurs que ça ne fait que compléter ce que Romain Goubert vient de dire. Oui, je trouve que c'est très important. Oui. En ce qui concerne la récupération de la mémoire, je me demande si dans le fait catalan, enfin le fait filmique catalan, des dernières années, il faut encore, on ne devrait pas parler plutôt que de récupération de la mémoire, disons du fait que ce sont des sortes de noyaux de fixation qui sautent. C'est-à-dire vraiment d'un discours... Si on prend l'ensemble de ces films que l'on vient de voir, On peut considérer qu'il s'agit d'un véritable corpus qui, en réalité, nous délivre un discours psychanalytique et qui fait sauter les moyens de fixation. Oui, Freudien. Et alors, c'est là, justement, et alors ça recoupe tout ce que vous venez de dire, que risque de passer la différence entre les deux productions. Oui. Là, il y a une chose fondamentale dans ce que tu viens de dire, c'est qu'en réalité, le catalan récupère sa mémoire à partir de l'image de la mère et le madrilène à partir de l'image du père. Caudillo pour l'un, la vieja memoria pour l'autre. Et dans la suite d'Hernande, c'est Pilar Franco qui joue le rôle. Je crois, si vous le permettez, messieurs, que maintenant nous allons interroger la jeune génération. Le silence permis, au-delà de Franco, des ailes de moulin plantées sur les maisons, Don Quichotte qui passe à la télévision, une chaîne en couleur pour avaler tout ça, le sang avec la veine d'avoir la corrida et 100 000 danseurs sur la place publique pour que Christophe Colomb découvre la musique. La guerre d'Espagne s'est terminée il y a près de 40 ans. Et si on revoit ça avec le recul du temps, elle a intéressé ou elle intéresse aujourd'hui au fond trois générations. La génération des combattants, celle des enfants nés pendant la guerre civile elle-même, et peut-être une troisième génération aujourd'hui qui est en train de se constituer une autre mémoire de la guerre d'Espagne. Pour répondre aux questions que ça soulève, j'ai demandé à Jean Thénat, de l'Université de Montpellier, à Maryse Lapert, journaliste, à Jacques Chabot d'Aix-en-Provence et à Hyacinthe Carrera de Perpignan d'être avec nous ce matin. Mais d'abord, Jean Thénat, comment voyez-vous aujourd'hui l'impact de la guerre d'Espagne à travers le festival qui s'est tenu à Perpignan? Vous avez cité trois générations. Je crois qu'il y en a une qui est particulièrement intéressante. Je ne sais pas, d'autres sont là pour parler des générations suivantes. On a déjà beaucoup parlé des générations passées. Il y en a une qui me paraît particulièrement intéressante, c'est celle des enfants de la guerre, qui est à peu près ma génération. Moi, je n'étais pas dans le coup, mais enfin, je suis à peu près de cette génération. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, au moment de la guerre civile, étaient enfants et qui ont très souvent vu cette guerre un peu comme quelque chose d'extérieur, comme quelque chose de, comme un jeu, un véritable jeu. Ces gens-là, ils ont eu leur enfance et leur adolescence dans le régime qui a suivi la guerre civile. C'est-à-dire, ils se sont trouvés toujours face à un double phénomène, d'une part, d'occultation de tout ce qui s'était passé de réel et de prédication d'autre chose, c'est-à-dire on leur a monté un véritable schéma. Et ces gens-là sont devenus productifs au niveau artistique dans les années 50. Et ce sont ces gens-là, je crois, qui ont commencé à faire un certain nombre de choses, à révéler un certain nombre de choses, et en particulier au cours de ces dernières années, je pense à des gens comme Carlos Saura, qui ont fait des films sur la guerre civile et sur tout ce qui s'est passé après. Parce que je crois qu'il est absolument impossible pour cette génération, qu'on appelait d'ailleurs la génération innocente, ce qui me paraît très... Il n'y a pas de génération innocente. Celle-là ne l'est plus, mais elle l'a été. C'est-à-dire que sa conception de la guerre civile, de la réalité, elle l'a eue beaucoup plus tard. Et donc, ces gens-là sont en train de faire actuellement certains cinémas, par exemple, et eux ne peuvent pas dissocier la guerre civile de ce qui a suivi. C'est-à-dire que pour eux, la guerre civile, c'est 40 ans, en fait. C'est une guerre civile qui a duré 40 ans. Et la guerre civile, elle vient de se terminer maintenant avec la mort de Franco en 1975. Donc, si vous voulez, je crois que c'est quelque chose d'intéressant qui ne touche pas tout à fait de la même façon les jeunes générations. Mais là, d'autres pourraient peut-être en parler. Carrera. Oui, bon, effectivement, je suis cette autre génération. C'est-à-dire que moi, je suis dans la position suivante. Mon père était un enfant au moment de la guerre. Il avait entre 12 et 15 ans. Alors, bon, l'image que j'ai de la guerre d'Espagne, c'est la sienne. C'est bien celle d'une guerre à laquelle beaucoup de gens dans cette région frontalière n'ont rien compris. Je dois dire qu'après confrontation, il y a une chose que j'ai dû abandonner, c'est l'espoir de comprendre davantage la guerre d'Espagne. C'est-à-dire que... Ah ben c'est charmant, c'est-à-dire que le festival qui s'est tenu à Perpignan vous a paru comme un phénomène encore occultant. Non, pas du tout. Je crois que l'intérêt de confrontation, il est ailleurs. Je veux dire, l'histoire qui m'intéresse, c'est l'événement qui m'intéresse, par exemple, c'est confrontation. C'est aussi un événement historique. Il y a 7 ans, il y a eu une confrontation. On n'avait pas pu voir un certain nombre de films, par exemple. Cette fois-ci, on peut les voir. Ce qui m'intéresse, c'est d'autres événements, par exemple la réalisation du film de Roman Carmen en 60, dans les années 60, etc. Quant à la guerre d'Espagne, bon, on ne peut pas en savoir davantage. C'est-à-dire qu'on a vu 10 fois la colonne de route y partir pour le front, on a vu 10 fois le même type se faire carboniser, et on court le risque de reproduire comme ça les mêmes clivages, c'est un peu ce qui se passe au cours du festival, sans qu'on en sache davantage sur cette guerre-là. Marie-Jean Perle. Moi, j'ai un sentiment un peu différent. Bon, je ne suis pas fille de réfugiés espagnols. Je suis originaire d'un pays dans le Lot où il y avait un camp de réfugiés espagnols, où il y a encore des réfugiés espagnols dont on parle encore comme des Espagnols. Dans le village, tout le monde est admiratif quand les enfants des réfugiés espagnols réussissent bien à l'école. Ça existe encore en 1978. On dit, ah, ces enfants d'Espagnols, ils s'en sont bien sortis. Ils s'en sont bien sortis parce qu'ils sont devenus ouvriers, parce qu'ils ont réussi à avoir une espèce de place honorable. Et moi, je suis arrivée à ce festival, très honnêtement, tout en étant une intellectuelle, puisque j'ai eu une formation intellectuelle par mes parents qui étaient instituteurs, c'est-à-dire une tradition tout à fait banale en France aujourd'hui. Je suis arrivée pour voir ce festival sur la guerre d'Espagne parce que j'ai beaucoup entendu parler de la guerre d'Espagne et je n'y connaissais pratiquement rien. Et je suis venue pour voir des documents et le fait de revoir plusieurs fois les mêmes documents ne me gêne pas. Jacques Chavot. Alors moi j'appartiens à la génération qui avait, disons, 5 ans au début de la guerre d'Espagne et 8 ans quand c'était fini. J'ai un souvenir dans le village de Provence où je vivais. Il y avait un homme qui était revenu mutilé des brigades internationales. Et c'était la honte du village. Et c'était un village qui n'était pas particulièrement de droite, n'est-ce pas ? C'était la vieille Provence radicale socialiste, dite rouge, et pas la Provence blanche. Et quand vous voyez aujourd'hui les films qui ont été projetés au festival ? Alors, je le dirais à deux dimensions. Mon souvenir de la guerre d'Espagne d'enfant, c'est ça, c'est-à-dire à peu près rien. Mais ensuite, politiquement, un intérêt très grand pour la guerre d'Espagne. Culturellement, j'y suis venu par Georges Bernanos et par la nécessité d'approfondir ces questions pour mieux connaître les grands cimetières sous la Lune. Alors, je m'aperçois de deux choses. Je suis la génération qui a vu la guerre d'Espagne d'une façon épique, littéraire, avec un certain romantisme révolutionnaire, enfin, avec l'impression que la guerre d'Espagne, c'est la bonne conscience des déficiences de la gauche française. Actuellement, Confrontation m'a apporté quelque chose de très solide. C'est précisément des documents, à la limite casse-pied, mais des documents bruts que je n'avais pas vus avant de venir ici à Perpignan. Et même si ça se rabâche plusieurs fois, c'est vrai, on a l'impression qu'ils ont tous plus ou moins puisé aux mêmes sources, quelque chose d'assez brut qui m'a donné une guerre d'Espagne, je crois, dépouillée de son caractère épique et mythologique. Et donc, très positif pour nous. Oui, moi je voudrais revenir sur cette question qu'a soulevé Carrera en disant, bon, on a vu beaucoup de choses, et bon, on ne peut plus rien savoir sur la guerre d'Espagne. Je ne sais pas si c'est tellement essentiel, parce que sur la guerre d'Espagne, on a tous un certain nombre d'idées. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la façon dont la guerre d'Espagne a été présentée, la façon dont elle a été manipulée par un ou l'autre camp pendant ces 40 ans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très important parce qu'on a, forgé des générations à, pendant un certain nombre d'années, on a forgé des générations à avoir une conception très précise de la guerre d'Espagne. Les gens qui étaient en Espagne avaient une conception, disons, triomphaliste de la guerre d'Espagne. Les gens qui étaient en dehors de l'Espagne avaient une vision épique de la guerre d'Espagne après l'espoir et après un certain nombre de choses. Mais il y avait une réalité de la guerre d'Espagne qu'on n'arrivait pas à voir. Et cette réalité, elle n'était ni dans un camp ni dans l'autre. Elle était ailleurs, elle était autre part. Alors actuellement, je pense que le problème de la génération des enfants de la guerre, ce que j'appelais moi la génération innocente, c'est que ces gens-là, à tous les niveaux, non seulement ceux qui réalisaient des films, mais ceux qui écrivaient des romans, ceux qui écrivaient des livres, etc., ceux qui faisaient de la musique, ces gens-là se sont posé la question de savoir si on pouvait trouver une vérité de la guerre d'Espagne. Et ils sont revenus sans cesse. Alors ils ont tout essayé. Ils ont essayé, par exemple, la parabole, ils ont essayé la métaphore, ils ont essayé des tas de choses. Mais en fait, ils se sont aperçus qu'actuellement, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était de rechercher dans la mémoire. Ce qu'on disait tout à l'heure à propos des Catalans qui enquêtaient, je crois que c'est ça. Actuellement, on en est au niveau de l'enquête. Et une enquête qui est absolument aléatoire, c'est-à-dire on s'en va dans les matériaux. C'est pour ça qu'on prend des matériaux buts et chacun les monte à sa façon. Et chacun a sa conception de la chose. Mais la vérité, elle n'est ni dans l'un ni dans l'autre film. La vérité, elle est dans l'ensemble de tous les films possibles qu'on peut faire sur la guerre d'Espagne et sur ce qui a suivi. Et je crois que c'est très important de ce côté-là. Moi, justement, ça me semble intéressant. C'est un décalage qui m'a semblé important dans les films qu'on a vus à Confrontation. C'est-à-dire que tous les films qui ont été présentés, qui sont des films qui ont été réalisés par des Espagnols, bon, dans les conditions que l'on sait tout de suite à la mort de Franco ou au début de ce qu'on appelle, hélas, la libéralisation en Espagne, m'ont semblé une espèce d'approche qui se veut objective. Et toutes les discussions, enfin les discussions auxquelles j'ai assisté à fond confrontation, m'ont montré des intellectuels français reprochant aux jeunes espagnols ou aux réalisateurs espagnols de ne pas avoir déjà dégagé la genèse de la guerre d'Espagne, de ne pas avoir fait une analyse, dégagé des responsabilités au sein de la guerre d'Espagne. Et moi, ça me semble assez fou dans la mesure où la sensibilité que j'ai, moi, qui est toute personnelle, est qu'on en est encore à montrer des choses qui n'ont pas pu être montrées pendant 40 ans. On en est à... moi, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est peut-être pour ça que je suis venue comme ça. Enfin, je fais partie d'une génération qui, n'étant pas fille de, vraiment de la guerre d'Espagne, c'est une génération qui a manifesté pour Burgos, qui a manifesté pour les derniers assassinats de Franco il y a 2 ans. Bon, on a manifesté en France, on a couru dans les rues pour toutes ces choses-là, sans être directement concerné par la guerre d'Espagne. J'arrive ici à Perpignan, je vois des films faits par des Espagnols, et j'entends tout un discours d'intellectuels français qui sont là, qui disent « Mais comment vous n'avez pas encore réussi à trouver les responsabilités de et de et de ?» Je suis un peu estomaquée. Yassine Carrère. Ouais. Moi, je voudrais revenir sur ce qui a été dit à propos des documents. C'est-à-dire, je n'ai jamais voulu signifier que j'avais été lassé par les documents. Mmh. Bon, une chose qu'il faut observer, j'imagine que ça a été dit ici, c'est qu'en effet, il y a très peu de documents, apparemment, sur la guerre d'Espagne. Et donc, on est condamné. On revoit les mêmes un certain nombre de fois. On me faisait observer à l'instant aussi que le thème de confrontation, c'est vérité et mensonge. Bon, en effet, moi... Mon impression, c'est bien celle du spectateur. Hein. C'est-à-dire, je suis arrivé ici, j'ai eu pendant longtemps l'image d'une guerre d'Espagne, c'était celle donc, que m'a transmise mon père. Bon, c'était les anarchistes qui arrivaient, qui fusillaient les caciques, puis les communistes qui arrivaient, qui fusillaient les anarchistes, puis les franquistes qui arrivaient, qui fusillaient tout le monde, etc. Je n'y retrouvais pas. Pendant un temps, j'ai vécu ensuite, alors dans mon adolescence et plus tard, sur le mythe justement romantique, enfin, la guerre d'Espagne, la colonne de route qui part au front, etc. Et aujourd'hui, à confrontation, et ça me sert, et je crois que c'est vraiment important, ce confrontation, je trouve justement tous ces mensonges à côté de cette vérité à laquelle moi je ne crois pas. Enfin, je ne crois pas qu'il reste, par-delà la confrontation, au-delà de tous ces films, une vérité à trouver sur la guerre d'Espagne. Je crois que la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est s'interroger sur ces vérités, sur cette somme de mensonges aussi accumulée ensuite par les réalisateurs de tous les pays. Je crois que c'est un peu ce que les Espagnols font depuis, par exemple, les années 60. Moi, je crois que depuis que l'Espagne est rentrée, disons, dans un autre type de société à partir de 1960, enfin, disons, 60-62 en gros, il y a de plus en plus de gens qui se méfient de plus en plus des discours établis, que ce soit des discours de droite ou des discours de gauche, je simplifie hein, tout à fait, on parlait tout à l'heure de discours communistes ou discours totalitaires. Bon, je dis qu'il y a de plus en plus de gens qui se méfient de ces discours établis, et qui de plus en plus au niveau cinématographique essaie justement de retrouver un cheminement qui soit tout à fait différent, un cheminement qui est parfois très aléatoire, qui fait qu'on propose un certain nombre de choses et à travers ça on va essayer de découvrir la vérité. Mais il est certain que cette découverte de la vérité ne peut être qu'une sorte de but lointain que l'on place. On essaie de revenir sans cesse là-dessus. Oui, alors là vous avez un problème au fond en matière de cinéma qui est le même que celui qui se pose à nous historiens, c'est-à-dire que chaque génération part d'un noyau acquis, essaye en projetant une nouvelle vision de faire progresser la connaissance du passé. Je ne crois pas qu'une vérité absolue existe, n'est-ce pas ? Ce sont des approches successives qui permettent peu à peu d'enlever la gangue qui la recouvre. Mais je crois que ce qui est important, c'est que au niveau maintenant, c'est aperçu que ce qui était essentiel, c'était pas tellement le matériau, c'était le discours qu'on faisait sur ce matériau, et que c'était ce discours-là qui était important et intéressant, et que quel que soit le discours qu'on fait sur le matériau, quelle que soit l'origine de ce discours il est toujours répressif, il est toujours contraignant. Oui, mais alors je poserai ici un défenseur un peu de ces intellectuels français, à l'égard desquels Maryse Lapeyre a prononcé un réquisitoire, parce que peuvent-ils faire d'autres de réfléchir sur les discours, Jacques Chabot. Moi, je me dis qu'il y a déjà dans ces documents bruts une certaine élaboration hein, et que nous n'avons jamais vu. Il n'y a pas de documents bruts. De documents bruts. Alors, cette élaboration à confrontation, nous l'avons vue multiple. Nous l'avons vue de droite, nous l'avons vue communiste, nous l'avons vue anarchiste. Ce qui permet une confrontation effective. Maintenant, les moments de vérité, je crois qu'il y a quand même des choses qui ne trompent pas. Mais à mon avis, si on prend par exemple Mourir à Madrid, enfin, il y a deux grands moments qui sont à la fois de vérité et d'épopée, c'est l'arrivée des brigades internationales et le grand discours d'Unamuno à l'université de Salamanque. Hein? Alors, je pense que des paroles là, ou des actes, hein, la parole d'Unamuno est quelque chose qui est destiné à rester. Bon, l'arrivée des brigades internationales, c'est un acte qui est destiné à rester. À côté de ça, il y a des quantités d'images qui passeront, parce qu'elles sont ni vraies ni fausses, elles sont transitives. Oui, mais il y a une sélection. Il y a déjà eu une sélection de faits. Vous donnez votre propre sélection, qui n'est pas forcément, je dirais, celle que retiendra la postérité. Mais voyez, oui, alors, je pense, évidemment, pour revenir sur cette question, je pense qu'on a vu des films de montage de deux ordres. On a vu, avec souvent le même matériau brut, on a vu des films de montage de gens qui étaient des contemporains de la guerre, je pense aux films de Carmen et autres, et puis on a vu des films de montage des gens de jeune génération, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas fait la guerre, de gens de la génération innocente ou autre, et qui étaient sur ce matériau brut qu'ils recevaient pour la première fois. Or, on s'est aperçu que dans le fond, c'était peut-être ces gens-là qui n'avaient pas fait la guerre et qui, à partir du matériau brut, nous donnaient une approche beaucoup plus convaincante de ce qu'a pu être la guerre civile que les gens de la génération qui avaient fait la guerre. Or, ils utilisaient pratiquement le même matériau. Mais actuellement, je crois qu'il y a une réflexion qui s'est faite, qui s'est décantée, après, par une génération qui a vécu une répression sanglante et du point de vue intellectuel, je veux dire, c'est-à-dire une répression, on les empêchait de lire, on les empêchait de voir des choses, on leur a formulé une histoire, et ces gens-là ont été obligés de se poser le problème. Et ils n'ont pas pris les matériaux bruts, ces matériaux bruts qu'ils ont pris, ils n'ont pas mis en place comme leurs prédécesseurs avec une idée préconçue, ils ont essayé de leur faire exprimer le plus de choses possible. Et moi, je me suis rendu compte que dans Caudillo, par exemple, le même matériel brut que j'avais vu X fois me parlait beaucoup plus dans Caudillo, parce qu'il était monté d'une autre façon, et parce que c'était le discours, le montage dans lequel il était mis, qui était beaucoup plus parlant que tout le reste. Et ça, ce sont les jeunes générations qui sont en train de le faire. Je crois qu'il y a un problème de méthode, c'est-à-dire que on voit des films, encore une fois, sur la guerre d'Espagne, une erreur pourrait être qu'on pourrait considérer que c'est ça l'événement historique. Je veux dire, je ne crois pas qu'on puisse faire le procès aux gens qui sont ici, d'être des intellectuels, etc., parce qu'eux aussi, ils sont dans l'histoire. Enfin, c'est ça l'histoire, aujourd'hui. C'est comment on reçoit. Bon, l'autre soir, au film de Carmen Roman, il y avait des positions qui étaient très tranchées, pour, contre, on a dit que c'était dégueulasse, etc. Je sais que c'est un peu facile de dire ça, mais je crois que confrontation, c'est un lieu où il faut pouvoir recevoir, où on ne doit disqualifier aucune réaction, ni celle qui dit c'est un film dégueulasse, ni celle qui essaie de se décentrer par rapport à cet événement qui est lui passé. Oui, mais à condition quand même de conserver un sens critique et de ne pas se laisser envelopper par la passion à tel point que le sens critique du film qu'on vient de voir disparaisse. Enfin, ça, je crois que c'est une règle élémentaire. Je pense qu'on a peut-être un peu trop parlé des films de montage et pas assez des films de fiction, parce qu'il y a même des films de fiction de confrontation. Or, moi, ce qui m'intéresse aussi, je crois, dans confrontation, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que autant, et je pense que moi ça m'intéresse beaucoup, autant les films de fiction que les films de montage sont aussi des matériaux bruts. C'est-à-dire que notre travail, confrontation, fonctionne aussi comme une sorte d'immense ensemble dans lequel on a un certain nombre de choses qui viennent d'un peu partout, qui viennent du monde entier ou qui viennent de l'Espagne. Et je crois qu'il faut se rendre compte aussi que nous, à nous de travailler sur les films en les considérant comme des matériaux bruts, et que c'est très intéressant de voir par exemple comment Saura ou comment Bora ou comment d'autres réalisateurs de films de fiction ont eux à leur tour pensé la guerre d'Espagne et vu la guerre d'Espagne. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que même si ces films ont l'air très éloignés de la guerre d'Espagne et ne la racontent pas, en fait la guerre d'Espagne, elle est au fond et qu'on ne peut pas les comprendre sans ça. Et que toute cette génération-là est bloquée par cette guerre. Et que tant que cette guerre n'aura pas été évacuée dans toutes ses dimensions, on ne pourra pas faire en Espagne d'autres films, d'autres types de films. Il y aura toujours, et les gens conscients, je veux dire, auront toujours, au fond de leurs romans, au fond de leurs livres, ils auront toujours la guerre d'Espagne. Il faut faire la chronique de la guerre de ces 40 années passées pour arriver à avoir enfin des films qui soient des films, simplement. Jacques Chabot. Oui, alors, pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, je crois qu'il y a là différence de deux générations, enfin une génération qui s'est engagée dans la guerre d'Espagne et une génération qui, avec le recul de l'histoire, peut s'interroger, se poser des questions, à la limite faire une certaine esthétique du cinéma de la guerre d'Espagne. Et je dirais pas des intellectuels, non, mais tout simplement des gens distanciés. Alors il faut, je crois, choisir entre une génération qui a été concernée et quelles que soient les mythologies qu'elle ait mises là-dedans, elle a été concernée, elle a agi. Et nous ne pouvons plus agir là-dessus. Nous sommes trop tard, nous arrivons trop tard. Alors nous faisons des débats de réflexion sur la façon dont ça a été mis en scène ou utilisé. Alors d'accord avec vous pour dire qu'à la limite, la fiction est peut-être plus intéressante que les documents bruts, parce que les documents bruts, même retravaillés par des metteurs en scène actuels, c'est du travail de critique. Certaines fictions sont finalement plus justes, de même que la poésie est souvent plus juste. Absolument, que l'histoire. Oui. Absolument. Oui. Mais l'histoire alors, aussi est poésie. Moi, je voudrais simplement dire, je me demande s'il faut conserver cette classification comme ça, en génération, en fond. Ce dont je m'aperçois aussi, encore une fois comme spectateur, c'est que dans les débats, la manière dont le public, par exemple, se distribue, dont les patients peuvent se déchaîner sur la guerre d'Espagne, n'est pas tout à fait fonction des générations. Absolument, il y a des gens, oui, qui ont 20 ans aujourd'hui et qui reconduisent les mêmes débats que les anciens combattants que nous voyons dans la salle. Enfin, qui, l'intérêt, je voudrais que confrontation, oui, permette de sortir de ça. Quand même autour d'eux. Je voudrais, oui, ajouter que justement, moi j'attends aussi beaucoup, ou j'attendais beaucoup, des films de fiction, parce qu'en effet, c'est bien un autre regard. Et que par exemple, à ne pas voir sortir la colonne d'Urruti, on est obligé d'avoir un autre discours, on est obligé de penser autrement, presque. Enfin, on nous force à sortir de cette ornière. Oui, je crois qu'en fait, il y a une chose qui me paraît évidente, c'est qu'on s'aperçoit que de très jeunes générations se trouvent concernées par la guerre d'Espagne. C'est un fait qui a traversé, je crois, notre XXe siècle d'une façon absolument extraordinaire. Et en fait, il est difficile de trouver des références égales pour d'autres événements historiques. Alors, je crois qu'en fait, ce qu'a pu faire Confrontation, c'est que nous avons réfléchi sur un événement, nous avons réfléchi sur les façons de l'aborder, nous avons vu que dans le fond, la seule solution, c'est de ne pas se contenter d'un discours pour aborder un événement, mais d'une pluralité de discours. Et qu'un événement ne peut pas être lu, il n'y a pas une réalité d'un événement, cet événement doit être lu d'une façon contradictoire, sinon on ne s'en sort pas. Et je crois que Confrontation, justement, c'est ça, c'est la possibilité d'avoir lu un événement de façon absolument contradictoire. Era una noche del mes de mayo, azul y serena. Sobre el agudo ciprés brillaba la luna llena, iluminando la fuente en donde el agua surtía. Sollozando interminente, solo la fuente se oía. Después se escuchó el acento de un oculto ruiseñor. Quebró una racha de viento la curva del surtidor. Y una dulce melodía vagó por todo el jardín. Entre los mirtos tenía un músico su violín. Era un acorde lamento de juventud y de amor. Para la luna y el viento, el agua y el ruiseñor. El jardín tiene una fuente y la fuente una quimera. Cantaba una voz doliente, alma de la primavera. Cayó la voz y el violín apagó su melodía. Quedó la melancolía vagando por el jardín. Solo la fuente se oía. Première diffusion sur France Culture le 24 avril 1978. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Te cuento un secreto y no digas nada. Lo guardo en el fondo de mi corazón. es una sonrisa cada madrugada, va más allá de la razón. Es mi alma, mi cuerpo, mis manos, mis alas, mi gloria o mi perdición. Ocultos, risas delirantes en el laberinto de mi condición. Vaga mi secreto por mares errantes y me lleva la ilusión. Salgo a correr por la ciudad y no veo a nadie como yo. Secreto y no digas nada, quizás te frote.